Vous ne l'avez jamais entendu. C'est la première diffusion sur Fun Radio et en France. Le nouveau titre de Sigala, Came Here From Love. Ça sent, moi je dis des rencontres là-dessus. Pour l'été, ça va pas mal. Merci Miku en tout cas d'avoir remplacé ce soir Adrien Thomas au platine du Before Party Fun. Pied levé, j'ai manqué mon replay de Roland Garros, j'y vais tout de suite. Prochain Before Party Fun demain à 19h, une spéciale Amnesia. On va vous dévoiler le line-up complet de cet été à l'Amnesia, la plus grande boîte de France. Ce sera au Cap d'Agde et je peux vous dire qu'il y aura du très très lourd. 20h, Doc, Karel, Alice. Ça aussi, ouais, très très lourd. On est là. C'est Love in Fun avec est-ce que la capote Love in Fun est bien arrivée dans l'espace. On a plein de choses à vous dire là-dessus. Et c'est vrai que le Facebook Live, ça a été un truc de dingue, puisqu'on a vu la capote qui montait, qui montait, qui montait. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une rupture du faisceau. On aura Nicolas, notre auditeur, qui nous dira jusqu'où est allée la capote Love in Fun. On a bon espoir qu'elle soit allée dans l'espace. Ça monte, ça monte, ça monte et ça coupe. Ouais. C'est tes ébats d'hier soir, c'est quoi, Karel? Mais t'es pas au courant? Bah non. On a envoyé une capote Love in Fun dans l'espace. Mais si, bien sûr que si, on en parle tout le temps. Et après, on envoie Karel dans l'espace pour qu'il s'en serve. Ah, chouette. C'est ça. Et pour aller voir des extraterrestres. Et Alice, pour constater qu'il le fait bien. Ah, absolument. Mais j'irai avec Alice directement, parce que si jamais on ne croise pas d'extraterrestres... Ah bah oui, ouais, forcément, voilà. Quoi. Bon, bah, j'ai l'impression que ça peut le faire. Bon, même un malentendu, j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. Le sketch est terminé. Allez, on y va. Allez, bonne émission, merci. Allez, ce salaud, va. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome... Tous les soirs... 01-42-48-5000 Love in Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous. Quelle journée, quelle journée, franchement on a passé une journée de dingue. Ouais, grosse chaleur, t'as raison de le dire Doc. Et puis journée mondiale du don de sang. Et on est allé donner notre sang. Il y en a qui ont pu le faire et pas d'autres. Mais, pas, ouais. Et pas toi. Et pas moi, c'est vrai. Je n'ai pas eu l'autorisation. Pourtant, j'étais chaud. Hein. J'ai vous dire, vous savez ce qu'il a fait hier soir? Il s'est un peu planté une petite aiguille dans le doigt pour que ça devienne bien rouge. C'est ça. Et du coup, il est arrivé avec son petit doigt rouge. Ah, j'ai un petit. On le voit à peine, tu vois. Oui, c'est une grosse arnaque, quoi. Eh putain, d'accord. Donc, j'étais dans le truc. J'ai passé l'examen médical. On m'a piqué le doigt pour faire le test. Et au moment où je suis passé devant le médecin, là, j'ai eu un refus. Vous n'avez pas vu ma réaction. J'étais très triste. Mais et vous êtes en train de dire que j'ai fait exprès. Mais bien sûr que t'as fait exprès. Sans déconner. Alors que Kassim. Cet enfoiré, lui, ouais. n'est même pas rentré dans le truc. Oui, mais au moins, il a assumé dès le début. Alors que toi, tu nous as fait croire. Et au dernier moment, t'as fait le mec qui a tout lâché. J'ai une petite infection, ouais, c'est pas de ma faute. Ouais. Oh là là, c'est pas possible. Franchement, je suis dégoûté que vous le preniez comme ça. Vraiment, ouais. On va faire une belle émission ce soir. On vous parlera bien sûr de la capote Love in Fun. Il y a eu une rupture du faisceau à un moment donné quand elle était à 15 000 mètres d'altitude. On va vous expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'à moins 60 degrés, c'est compliqué les batteries. Hein. Je vous le dis tout de suite, on sera de toute façon avec notre auditeur, justement Nicolas, qui a fait ce lancement de la capote dans l'espace depuis la Finlande. Hein. C'était vraiment un événement. Et puis la vidéo arrivera demain et on aura Nicolas aussi qui sera en studio demain soir avec nous. On a notre auditeur du soir aussi qui s'appelle Rémi. Bonsoir Rémi. Ok, bonsoir la famille. Salut Rémi. Salut. T'es content d'être avec nous? Bah super, super. Tu vas faire 2 heures de libre antenne, tu vas pouvoir te lâcher, réagir à tous les sujets, commencer aussi à choisir la musique. Toi, c'est quoi le son que tu kiffes le plus en ce moment sur Fun Radio? Moi c'est Bassada, Music Sounds Better With You. Music Sounds Better With You. Il y aura Yellow Claw dans l'émission avec Open. Et ça, c'est nouveau. Alors, franchement, si vous ne connaissez pas, ça à découvrir. On vous le fera écouter tout à l'heure dans l'émission. Ils ont un vrai son à eux, j'adore. Et Cashmere, le son de la teuf, la zig de Party Fun qui vous ambiance tous les week-ends avec Back to Me. C'est ce qui vous attend. Si vous voulez choisir la musique, n'hésitez pas. Hein. Libre antenne au 01 42 48 5000. Et Cyprien est avec nous. Il a 17 ans. Il est de Paris. Bonsoir Cyprien. Salut Doc. Salut Karel. Salut Ali. Salut. Salut. Bonsoir Cyprien. Qu'est-ce qui t'amène toi? Bah en fait, Donc moi je vous appelle parce que donc à partir de demain je passe le bac. Oui. Et en fait c'est lundi ou mardi prochain, je sais plus, j'ai donc une épreuve de maths. Et j'ai mon frère jumeau qui avait passé les maths l'année dernière parce que lui il a sauté une classe car il est surdoué. Ouais. Sauf que moi je suis nul en maths. D'accord. Et comme il a vu que je galérais, en fait, il m'a proposé d'y aller à ma place. Génial. T'es sérieux? Putain, et non, sans déconner quoi. Si vous... J'étais sûr qu'il allait nous dire ça. Je sais que si vous vous faites pincer, ouais, pincer. C'est... Et d'abord, t'es viré, tu pourras pas passer le bac pendant au moins 5 ans, enfin, c'est pas cool quoi. Et le permis aussi, hein, y a plein de choses que tu peux pas passer. Non, c'est normal. Ouais, ouais. En fait, Cyprien, nous on va te dire qu'il faut pas le faire, mais je trouve que c'est une super bonne idée. C'est grave bien. Putain, mais c'est attends, j'aurais adoré avoir une jumelle. C'est son frère jumeau, il lui ressemble 100%, donc il n'y a aucune chance, non? Je sais pas. Eh, mais tu le passes, ouais. Où tu le passes où? Vous êtes connu ou pas dans le bahut où tu vas le passer? Alors, je vais pas dire non, je vais éviter, mais en fait, on était dans deux lycées différents. Ouais. Lui, il était dans un lycée privé. Enfin, et moi j'étais dans un lycée public. Okay. Donc du coup, ils savent pas qu'on est jumeaux normalement. Ok, ok. C'est génial. Bon, écoute, on va te dire que c'était parce pas que bien. Vous êtes des vrais jumeaux. Hein. Mm. Oui, bien sûr, il y a des jumeaux parfaits. Ouais, c'est ça. Enfin, parfait. Et toi, t'as déjà le bac alors? Ah, lui, il a le bac, mais pas moi. Ouais, ouais, parce que en fait, ton frère, il est surdoué. Et ouais. En fait, il a pris toute l'intelligence et toi, t'as compris. Il y a du courage, l'autre pas. Ouais, il faut toujours un brouillon, de toute façon. Hein. C'est horrible. Cyprien, on ne peut pas te dire de le faire. Tu comprends bien, hein? Ouais, je comprends. Ce serait, enfin voilà, quoi. Love in fun dit qu'il faut tricher au bac. Non. Ouais. Ne le fais pas, mais pense-y quand même très fortement. Hein, on sait jamais. Ouais, garde sûr. Ça dans un coin de ta tête. Mais ouais. C'est les seules matières où je suis nul, c'est les maths. Non, la physique, tout le reste, ça va. Mais c'est la seule matière où ça passe pas. Eh bah, ben franchement, on a une pensée pour tous ceux qui en ce moment doivent avoir un petit peu peur, parce que c'est vrai que la veille de l'examen, tu flippes quand même un peu, quoi. Tu te demandes comment ça va se passer, surtout quand c'est la première fois. On pense fort à vous, bon courage à vous. Doc, tu feras des petits conseils tout à l'heure pour la veille de l'examen, comment être au top. C'est surtout en arrivant, oui. En arrivant à l'examen, il y a ceux qui, effectivement, sont paralysés. Ouais. Parce que plus rien ne sort. Il faut apprendre là, justement, à peut-être se poser 5 minutes et mettre. Enfin, je vais donner quelques idées comme ça, oui. D'accord. Bon, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, des petites techniques, justement, pour être à l'aise demain. Et c'est valable pour tous ceux qui vont passer des examens. Je pense aussi au brevet. Rémi, qu'est-ce que tu penses de l'idée de Cyprien, là, de tricher au bac avec son frère jumeau? Mais obligé, il doit le faire. Voilà, bien il sûr. Il a l'opportunité de le faire. Il faut qu'il le fasse. Bien sûr, non mais tricher, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, il peut se faire interdire 5 ans d'examen et tout, quoi. Tu vois? Ouais, mais. Voilà. Je sais que la seule chose qu'il peut faire comme erreur, c'est de marquer le nom de famille et son propre prénom. Ah ouais, mais non. Ah, mais non, il est pas si bête que ça, le mec. Oui, mais c'est que ça arrive, ça. Bah, ça, j'imagine. Non, mais voilà. Un coup d'émotion, boum. Ouais, non, c'est ça. Non, il faut faire très attention. Et puis en plus, l'écriture est-elle la même? Ah ouais, tu penses qu'ils vont vérifier les copies et tout, l'écriture? Imagine que, voilà. S'il y a un doute, quoi. Ouais, ouais, donc, vérifier l'écriture. Tu prendras de toute façon un risque, Cyprien. Si jamais il y en a qui nous écoutent là, et qui mais se bon. Sont tapés le luxe, enfin, je sais pas si c'est bien choisi, mais qui ont triché au bac ou à un examen hyper important, venez nous raconter comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes fait pécho? 01 42 48 5000, vous nous appelez au standard, vous passez à l'antenne juste derrière. Cyprien, on ne veut pas savoir ce que tu vas faire, d'accord? Hein? Okay. Mais on te souhaite bonne chance et bon courage pour demain, en tout cas, ça commence ouais, le bac. Si possible de passer un message? Vas-y, Cyprien. Bon courage à tous ceux qui passent le bac comme moi demain. Bonne chance à tous. Puis voilà. Salut Cyprien. Ciao à toi. Merci. Salut. Ce que j'aime bien, c'est au moment du bac, il y a toujours un reportage aux 20h de TF1 où il passe le plus jeune qui passe le bac, tu sais, qui a 11 ans et demi, qui est surdoué, qui a sauté toutes les classes. Et puis la vieille mamie de 82 ans qui n'avait jamais eu son bac. Toi, tu l'as eu, toi, ton bac, Doc? Oui. Avec mention. Ouais, on s'en fout, ça. Ah bon, quand même, c'est Doc, vrai, c'est une connerie, faut être fier de sa mention. Non, le bac, effectivement. J'ai eu les félicitations, mais je m'en branle. Non, même pas. Non, j'ai eu... Ah, moi, non, la dernière année? Ouais. Non, du tout. Alors moi, attends, j'ai eu 7 de moyenne le premier trimestre et 18 le troisième.

Offre soumise à condition, conservant votre numéro et reprise de votre ancien mobile. Engagement 24 mois. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Toute la soirée, c'est Fun Radio, c'est Love in Fun. Et vous nous appelez au standard 01 42 48 5000 pour poser vos questions. Pour gagner aussi des casques de réalité virtuelle de la marque Omido. En participant et en jouant au défi Fallait pas demander, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. En attendant, on se met bien avec Sound of Legend Infinity sur Fun Radio, Love in Fun. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio, Sound of Legend, Infinity. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun. Sur Fun Radio. Et bon début de soirée, hein, si vous venez de débarquer à la cool, vous êtes peut-être à la maison, là, tranquille, en train de nous écouter. Il y en a beaucoup qui révisent aussi, hein. Demain, les épreuves de français pour les premières et puis la terminale, c'est la philo, hein. Bon courage à vous tous, en tout cas. Et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, Doc vous donnera des petites techniques, justement, pour être au top, là, demain, dès le réveil, hein, 8h du mat. Putain, c'est vrai que c'est tôt. Bordel. Bon courage, en tout cas. Et on va accueillir Hugo sur Fun Radio. Il a 13 ans, il est de Lyon. Bonsoir, Hugo. Salut Karel, c'est J'équipe. Salut à toi Hugo, tu nous appelles, il t'arrive un truc toi. Ouais, en gros si vous voulez, j'ai une phobie en fait, une peur. C'est constamment en cours, j'ai peur de péter. De péter de... Est-ce que ça t'est déjà, oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, une fois. Et ça s'est passé comment? Bah heureusement, pas beaucoup de gens m'ont entendu, mais quand même quelques-uns. Et bah même si c'était au début pour rigoler, après ils en parlaient plus, bah ils ont pratiquement tous ceux qui ont entendu ont tous rigolé. Quel genre? De ma classe. Plus fort ou moins fort? Oh. Ah bah plus fort. C'est ça. C'est celui-là. Oui. Ah, j'ai une petite sélection, alors là j'en ai que 3 à dispo. Hein. On est sur un pet, donc il fait un petit peu de bruit, Doc. Oui, ce qui est, tu sais que, je vais dire une première chose, ça arrive absolument à tout le monde. Ouais, mais moi, cette en fait, émission, c'est la honte. D'ailleurs, c'est plus que dans la moyenne. Donc c'est une honte, oui et non. C'est C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut éviter d'importuner les autres, ne serait-ce que par les odeurs. Quand on bruit, ça va, c'est pas très élégant, mais en même temps, c'est pas dramatique. Moi, je me souviens en cours, j'avais une copine de classe, tu sais, c'était un peu la nana, genre hyper belle et tout, tu vois. Bon, bah. C'est une grosse caisse. Quand elle a lâché une grosse caisse, en plus pendant un blanc, tu sais. C'est ça, tu n'entends que ça. Il suffit que la prof arrête de parler, et là, t'as une vieille caisse, tout le monde entend, donc tout le monde se marre, tout le monde veut savoir qui c'est. Et quand t'es juste à côté, tu sais d'où vient l'odeur, hein, j'ai envie de te dire. Et là, c'est quand même la honte. Après, avoir une phobie comme ça, ça t'est arrivé, toi, Kassim ? Ouais, ça m'est arrivé en cours de français. J'étais en plein contrôle et je dis à mon pote, je voulais faire un petit furtif. Ouais. Je lui dis, tiens, écoute. Et là, j'ai lâché une caisse énorme de ouf. En fait, j'ai la solution pour plus que ça s'entende. Ouais. Souvent, quand t'es en cours, t'as des chaises en bois ou en plastique. Ouais, c'est vrai. Et en fait, la technique, c'est qu'il faut mettre son manteau sous son cul. Comme ça, tu peux péter autant de fois que tu veux, le paix sera étouffé. Le manteau. Sur le fauteuil, sur la chaise. Oui. Ah ouais, non, c'est très bien ça. Oui. Quel bon conseil. Hey, Hugo. Oui. Prends ton manteau, mon pote. Voilà, si maintenant, oui. Tu te mets à tousser très fort. Ouais, non, mais là, c'est ripper. Ouais, tu peux le faire en décalage, ça. Mais justement, c'est tout, c'est que ça, on a tous déjà essayé, je pense. Et le truc, c'est que quand on tousse, justement, ça sera encore plus faux. Oui. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Alice, c'est quoi ta technique pour qu'on n'entende pas tes pets? Parce qu'on n'a jamais entendu un pet de ta part. Bah écoute, j'attends de rentrer chez moi. Ah oui. Et là, je me lâche, c'est un truc de dingue. Non, pas du tout. J'ai pas spécialement de technique. Moi, comme je dis, je rote beaucoup et je m'en fous que ça s'entende. Et je pense qu'il faut assumer son paix. Voilà. C'est parce que c'est particulièrement drôle, c'est particulièrement naturel. Dès que tu pètes, tu lèves la main. C'est mais bon, oui. Madame. Mais non, mais limite, tu fais en sorte, comme vous faites ici, vous tirez un doigt et puis voilà, comme ça, c'est mais un peu un paix à deux. Au Japon, péter, c'est classique, ça gêne personne. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est normal, ils pètent. Ah, je savais pas. J'ai déjà vu les Japonais dans le métro, ils pètent devant tout le monde. C'est dans la culture. Il lâche une caisse, boum, ouais. Ah ouais, bah putain. Écoute, ouais. Bah, Hugo, et un voyage au Japon, ouais. C'est ça que tu vas gagner ce soir. D'accord ? Ok. Bon, et le pense au manteau, c'est quand même une bonne technique, ça. C'est la meilleure, ouais, à mon ouais. avis. Hein, ouais. Ça dissimulera non seulement l'odeur, mais en plus le bruit. D'accord ? Ouais. Hugo. Je peux faire une dédicace ou pas ? Vas-y. Bah alors, dédicace au 5e D du collège Alexis Candela et à Maël. Eh ben salut à toi Hugo. Salut Poto. Salut. Quelle belle émission on fait. On vient d'aider Hugo qui avait la phobie de péter en cours et il a maintenant sa solution. Et c'est ça Love in Fun. On passe du tout au tout et d'ailleurs on sera avec Brian dans un instant. 14 ans de Lisieux, il est en flip. Brian, t'es là mon poto? Salut Karel, salut la famille. Salut Brian, ça passe ou ça passe? Est-ce que tu vas tenter dans un instant? T'es en kiff sur une fille, comment elle s'appelle? Ouais, Marianne. Ouais, et tu vas lui dire quoi à Marianne dans un instant? Bah, que je la kiffe. Exactement. Et si jamais elle te dit non, on dira que c'était pour un canular à la radio. Tu devais lui faire croire, enfin, genre t'étais en kiff sur elle, d'accord? Ouais. Comme ça, tu garderas ta dignité, mon Brian. D'accord. Mais je suis sûr qu'elle va dire oui, tu vois. D'accord. On y croit tous. Dans un instant, on appelle la copine, enfin, la future copine de Brian après Calvin Harris sur Fun Radio. See it till the end. When that spotlight eyes. Spotlight. Put that spotlight on her face. Oh, yeah. We gon' pipe up and turn up. Pipe up. We gon' light up and burn up. Burn up. Mama too hot like a. Like what? Mama too hot like a furnace. Furnace. I got a 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. Shine. You and I take a ride down the boulevard. Yeah. And your friends really wanna break us apart. Good, good lord. Good gracious, hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Try on all your nights like this. Put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes too quick. Do you try on all your nights like this? Yeah. Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too quick. Le tube de la superstar mondiale Calvin Harris, Slide sur Fun Radio. T'as peur de te manger un râteau? Ah mais moi jamais sortir avec toi. T'inquiète, c'est le ça passe ou ça passe dans Loving Fun sur Fun Radio. De plus en plus d'appels hein, pour participer au ça passe ou ça passe. En même temps, on comprend parce que finalement, on prend pas de risque. Ouais, c'est hein. Pratique. Hein. Ah ouais, si jamais on est en kiff sur quelqu'un et qu'on se prend un gros râteau, et ben. On fera croire que c'était pour un canular à la radio, sur une autre radio, on va en inventer une et Brian est avec nous. Il a 14 ans, il est à Lisieux. Salut Brian. Salut Karel, salut la famille. Salut mon poteau. Aucun risque Brian, hein? Alors Brian, raconte-nous un petit peu l'histoire. Donc voilà, je suis en kiff sur une fille qui s'appelle Marianne, elle a 14 ans, elle habite Lisieux. Donc voilà, on s'est rencontrés au centre, à Ré. Au centre aéré, ouais. Ah, on fait et du coup, depuis, on s'était perdu de vue et tout. Et elle est venue me voir à l'hôpital il y a 2 semaines. Ah, pourquoi t'étais à l'hôpital? Parce que j'ai eu j'ai fait un malaise. D'accord. Et du coup, elle est venue me rendre visite à l'hôpital. Et puis, j'ai décidé de la demander. De la demander en mariage? Non, mais non, de la. Non. Ouais. De sortir avec. Bah voilà, c'est ça, cool, Brian. Et c'est cool qu'elle soit venue te voir à l'hôpital. Ça veut dire en tout cas qu'elle tient à toi, Brian. Ouais. Hein, c'est mon meilleur ami. C'est ta meilleure amie, mais t'es vrai. Que... Ouais. J'aimerais bien aller un peu plus loin. Bah ouais, parce que là, t'es dans la friend zone. Ouais. Ouais, ouais. T'as envie d'en sortir, Brian. C'est parti. On appelle Marianne tout de suite et tu vas lui avouer tes sentiments. Si jamais elle te dit non, on t'arrangera le coup, mon pote. Bonne chance. Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, donc ça va? Ça va et toi? Ouais, bon voilà. C'était pour te demander quelque chose. Bon, sinon ça va depuis tout à l'heure? Bah, depuis tout à l'heure, oui, j'ai pas fait grand chose. Ouais, donc je suis encore à l'hôpital, mais ça va, tranquille. Donc voilà, je voulais te demander quelque chose en privé. Ok. Donc voilà. C'était pour que te dire que j'avais des sentiments pour toi. Donc si tu voudrais bien sortir avec moi et tout. Attends. Là, faut le temps que je réalise là. Ouais. Tu me dis ça par téléphone? Ouais. Je peux pas te voir en ce moment et tout, comme là je suis à l'hôpital et tout, je préférais te le dire. Donc voilà. Ah ouais, non mais là tu m'as vraiment pris au dépourvu, j'étais en train de dire, je faisais mes devoirs, et là, boum! Désolée. Ah surtout pas désolée, mais c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Bah... Tu me donnes une réponse? Bah, oui, oui, je peux te donner une réponse, oui. Moi aussi, je t'aime beaucoup, Brian. J'ai des sentiments pour toi. Ouais. Après, j'aimerais bien te voir un peu plus souvent, quoi, parce qu'on va pas te dire qu'on se voit beaucoup non plus. Bah ouais, ça. Bah je te verrai, j'essaierai de te voir plus souvent, tu vois. Ouais. Tu vois, bah ouais. Qu'on se voit un peu plus souvent, ouais. Donc tu veux bien? Ouais. Ok, bah moi aussi je veux bien parce que voilà, j'ai vraiment des sentiments. Ah c'est mignon, c'est mignon de ouf, putain. Et je pourrais presque verser une petite larme, je te le dis direct. Hein. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Marianne, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais un petit peu. C'est vrai. Mais parce qu'en fait je voulais le faire devant tout le monde, parce que voilà, j'ai des sentiments pour toi, je voulais le faire devant tout le monde. Pour que je le coup des numéros privés, je sais pas pourquoi. Et ouais. Alors. Mais voilà, c'était pour que tu saches que j'ai des sentiments pour toi. Voilà quoi, hein, Brian. C'est sa phrase. Voilà quoi. Ah bah, Brian, il était tellement dans le stress que c'était voilà quoi. En fait, voilà. Et franchement, moi je trouve que t'as assuré, Brian, parce que c'est pas évident. Merci. Et en plus, Marianne, elle t'a pas répondu tout de suite. Ouais. Donc. Surtout, je n'y attendais pas du tout, quoi. Bah ouais. Mais tu sais que j'ai des sentiments pour toi, voilà. Quoi? Oui, bah. Et ben voilà. Et Marianne, elle a dit, il faut qu'on se voit plus souvent, mais elle est. Et plutôt, ben je la verrai plus souvent. Elle est plutôt ok sur le principe. C'est cool. Moi aussi. Et ben super. Et ben ça fait plaisir parce que c'est pas souvent qu'on a l'amour qui triomphe ce soir. Marianne. Oui. On va vous envoyer un beau cadeau à tous les deux, d'accord? Ah, merci. Hein, pour sceller merci. Cette première galoche. la future. On vous fait des gros bisous. Brian et Marianne, vous revenez quand vous voulez sur Fun Radio. D'accord, merci. Salut les amoureux. Ciao. Au revoir. 01 42 48 5000. Dans un instant sur Fun Radio dans Love in Fun, on va parler d'un message qu'on a reçu d'Aurélie sur les réseaux sociaux. C'est ça, Alice, hein? Oui, en fait, Aurélie, elle est super vexée parce que son mec continue à mater beaucoup de porno, même s'il est en couple avec elle. Ah ouais, et ça, il y en a qui n'aiment pas du tout. Ah hein. Non. Ouais. Dites-nous comment vous le prendriez, le vous. Fantasme low cost. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Et en attendant. Qu'est-ce que c'est bon ça? Bassada, montez le son dans toute la France, Love in Fun avec Music Sounds Better With You. Together. Bassada, Music Sounds Better With You. Jusqu'à 22h. Love Fun. Love Fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Et n'oubliez pas, hein, dans quelques instants sur Fun Radio, on vous fera découvrir, je pense qu'il y en a pas mal qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont pas encore entendu, le nouveau Yellow Claw. À découvrir dans l'émission qui s'appelle Open, et j'annonce, ça va être l'un des tubes de cet été. En attendant, au 01 42 48 5000, on va prendre toutes les réactions sur ce message qu'on a reçu d'Aurélie, qui s'inquiète, hein. C'est ça Alice? Ouais, en fait, elle est hyper vexée parce que son mec continue à mater du porno alors qu'ils sont en couple depuis quelques temps, et elle se demande comment elle doit le prendre en fait. Il y en a qui comprennent pas que ça peut être voilà, un petit truc privé, perso. Ça peut faire complexer aussi certaines filles. C'est pas une œuvre d'art qu'ils regardent, c'est une scène de sexe qui les excite. Mais c'est d'autres filles à poil. Et qui génère, oui, qui génère en général des orgasmes violents. C'est le but, c'est pour ça qu'ils le vendent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se masturbent et qui utilisent cela comme excitant supérieur, en quelque sorte. Ce qui pourrait être exactement la même chose s'ils avaient un peu d'imagination. Mais là, c'est plus facile. Tu veux dire juste fermer les yeux et penser, c'est ça, Doc? Oui, bien sûr, imaginer des scènes, le fantasme, c'est fait pour ça. Là, on te fabrique du... C'est très matériel, c'est lamentable là-dessus, parce que bon... Ah oui, Doc, il n'est pas fan du tout des films porno, hein. Non, ça, c'est clair. Que je pense que... Mais il y en a qui aiment, Doc. Oui, on peut aimer. Moi, j'aime pas quand on marchandise les personnes, lorsque les objets, les personnes humaines sont des objets. Et ça, je suis désolé, c'est en général ce qui se passe dans les films porno, que ce soit des filles ou des garçons, c'est l'objetisation de l'individu qui est un objet de plaisir et pas de relation. Voilà. Alors, c'est dit, hein, j'ai envie de te dire, mais on va accueillir pas mal de réactions, sûr, à commencer par Morgane, 22 ans d'Agen. Bonsoir Morgane. Salut. Bon, on va laisser Morgane se battre avec son téléphone, on va accueillir Anna en attendant de Reims. Bonsoir Anna. Salut l'équipe. Salut Anna. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, je sais pas si t'as déjà vécu ça, ton mec qui se masturbe devant un film porno quand t'es pas là. Autant dire quasiment tous. J'en ai pas eu beaucoup, mais tous. Mais comment t'as su? Tu les as surpris? Parce que généralement, tu fais ça, tu le dis pas, quoi. Alors généralement, je sais pas, je suis un peu comme toutes les nanas, j'ai une petite antenne en fait sur la tête qui se met à frétiller quand il y a un truc qui se passe de bizarre. Oh putain. Et j'ai tendance à choper mon mec quasiment instantanément à chaque fois. Ah mais c'est pas vrai. Une main sur l'ordinateur, l'autre main sur le sexe. Ouais. C'est-à-dire que le mec fait ça quand t'es juste à côté? Alors il peut, ça lui arrive de temps en temps quand je suis à côté, quand je vais me coucher, voilà, c'est un mec hein. Attends, t'es en train de dire que le mec se pougne et t'es juste à côté? Ouais. Ça par contre c'est pas... Ah bah y a pas besoin d'une antenne alors en fait. Hein. Ah ouais, non, juste, non pas forcément, en plus ils peuvent être super silencieux, hein. Bon quand ils veulent quoi. Ah ouais, dis-moi, est-ce que tu as du plaisir avec lui? Alors moi oui. Maintenant après c'est vrai que on va dire qu'il y a des choses que les garçons veulent faire, qu'ils voient par exemple dans les pornos. Qu'est-ce qu'il veut faire lui, parce qu'on parle de lui? Bah je sais pas, ça peut être des pratiques gore ou ça peut être tout bêtement la sodomie qu'avant je ne pratiquais pas et que monsieur m'a fait connaître. Ouais, d'accord. Donc il y a beaucoup voilà, de sodomie quoi. Dans les pornos. Hein. Ouais, il y a toujours une petite scène, ouais, c'est vrai. Ouais, ou alors c'est plus des... Enfin, lui, ce qu'il recherche, c'est plus des scènes qui verrait bien faire avec moi. Ouais. Et voilà quoi. Donc, il fait des répètes. Il s'inspire. Il fait des repeats. C'est ça. Il se met en mode théâtre. Ouais, il analyse le truc et tout. Ah tiens, cette position est vachement bien. Alors attends, il la prend en 180 degrés. Franchement. Ouais, alors au début, c'est comme ça. Je tiens à préciser qu'au début, c'était comme ça. C'était dans les débuts. Mais après, par la suite, bon, il y a des enfants. Donc automatiquement, il y a une petite baisse de régie. Et puis on a trouvé la solution. C'est maintenant les maths à deux. D'accord. Oh, c'est mieux en tout cas de mater ça avec sa copine. Justement. En ce qui te concerne, est-ce que cela te procure une excitation ou pas? Réponds honnêtement. Eh ben honnêtement, je préfère regarder ça à deux. Oui, là, il y a l'excitation qui monte, que de savoir qu'il est en train de se tripoter tout seul. T'as pas répondu à ma question. Moi, oui. Est-ce que ça t'excite? Moi, oui, je trouve ça super excitant, en fait. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais. En même temps, c'est un peu le but du truc. Si c'est pas excitant... Il y a des filles qui aiment pas ça. Ouais, bien sûr, mais à moi de leur faire découvrir des œuvres magnifiques. Ah oui, bon, par contre, c'est sûr que s'ils me montrent un truc genre plan cul à 15, non, pas trop, non, là, ça m'intéresse pas, non. Ah, mais il y a des films de qualité au Moyen-Âge, hein. Non, vraiment. Ouais, j'avoue, mais on tombe vraiment sur des films assez bizarres, hein, des fois. Avec des vieilles, avec des grosses, avec tout ce qu'on veut. Oh, ouais, il y a tout. Franchement, avec beaucoup de second degré, tu mates un bon vieux porno, tu sais, mais genre. sur le film, c'est pas la petite vidéo, il y a moyen de se taper des barres. Hein, parce que c'est franchement... Sérieux, les gens, le mieux, vous voulez vraiment vous taper des barres, allez sur Chatroulette. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Là, on se prend la gueule, c'est phénoménal. C'est une quéquette toutes les 30 secondes. Ah oui, il n'y a que ça, il n'y a que ça. T'as une chance sur, allez, 20, et encore, je suis gentille, pour tomber sur un couple potable qui direct commence par même pas bonjour, c'est salut, on s'est fait à 4. En gros, c'est ça, ah voilà. Ouais. Ah bah... Donc, bon, après, ça peut être excitant. Ouais, non mais ça je comprends, mais attends 22h parce qu'on se connecte régulièrement avec Alice et Kassim. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Bon, on fait ça pour déconner, hein, bien sûr pour déconner. Morgane est avec nous, de retour. Morgane. Oui, vous m'entendez mieux là ? Ouais, on t'entend nickel. Là. D'accord. Donc, okay. Morgane, il t'est arrivé, toi, tu reprends ton mec en train de se branler devant un film porno ou pas ? Non, j'ai jamais surpris un de mes gars, mais franchement, je comprends que ça peut être vexant. Ouais, toi tu le prendrais mal ? Ouais, je le prendrais mal, mais après, avec le recul. C'est vrai que bon après les gars c'est des gars. Mais les gars c'est des gars. Mais est-ce que toi tu as déjà maté un film porno et qu'est-ce que t'en penses si c'est le cas? Oui j'en ai déjà regardé, ben, comme tout le monde je pense, mais je suis pas vraiment dans ce délire là en fait. Ouais, t'aimes pas ça? Non. Tu préfères l'imagination, le réel. C'est vrai que dans les scènes érotiques, il faut vraiment pas faire du copier-coller avec les films porno, c'est clair et net. Ouais, je vais te dire, il n'y a rien de pire qu'un film érotique. Hein. Ouais, franchement. Franchement, quitte à choisir un des deux, voilà quoi. Toi, tu prends le film érotique. Ouais, d'accord. Généralement, dans les films érotiques, il y a toujours des poils. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai. Et des gros tétons. Des grosses touffes et des gros tétons. Mais pas de sexe. Pas de sexe. Non, c'est vrai, parce qu'on ne voit pas la verge. La pénétration. On voit pas la vulve, on voit pas la verge. Ouais, ouais, exactement. C'est un film érotique. Mais il y a un rapport sexuel. Ah, tu connais bien la différence quand même, Doc. Hein. Oui, bah oui, ça fait un moment, oui. Ouais, bien sûr. Mmh. Et donc, toi Morgane, tu serais limite un petit peu jalouse des filles qui peuvent regarder ou tu comprends quand même que c'est un film quelque part. Et que ce sont des actrices. C'est vrai que il y a un moment où j'interdisais un peu à mes copains précédents de regarder. Ouais, franchement. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un film quoi. Enfin, c'est mieux ça que de se faire tromper en fait. Franchement, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, évidemment, c'est mieux, mais entre tromper, pour moi, un mec qui regarde un film porno qui s'excite pendant 5 minutes devant un film porno, il trompe pas sa copine. Oui, il trompe pas, mais carrément, je suis d'accord, mais vaut mieux ça que... Regardez la télé, quoi. C'est ça. Mais avant, je n'arrivais pas à faire la différence, en fait. D'accord. Une vie sexuelle dans un couple, il faut essayer de tenir la longueur. Et il est vrai que parfois, c'est peut-être un peu plus exigeant d'avoir imaginé soi-même et de trouver des bons moments, d'être bien détendu, bien à l'aise, et d'inventer des scènes qui sont des scènes érotiques, ça, c'est effectivement l'affaire. Regarder des films porno, bander devant ça, et s'agiter devant, franchement, voilà, je trouve que c'est un peu pauvre, c'est dommage. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, Doc, mais il y en a beaucoup qui le font, hein, clairement. Mais je dis pas le contraire. Nolwenn, t'as 25 ans, t'es à Orléans, salut Nolwenn. Salut toute l'équipe. Salut Nolwenn, tu regardes des films porno? Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Non. Pas beau. Vilain. Vilain film porno. Et alors, Nolwenn, toi, t'as déjà maté ton mec qui regardait un ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, il m'a avoué qu'il le faisait, qu'il se touchait en même temps que regarder des films. Et il y a des soirs où je rentrais à l'appartement et il était enfermé à clé dedans. Je pouvais pas rentrer, en fait. Et il me fait attends, et il était en train de le faire. Mais non. Alors ça, par contre, c'est chelou. Ça, c'est ridicule, quoi. C'est-à-dire genre l'ado qui s'enferme dans sa chambre pour se branler, quoi. C'est vraiment ça. Oui, c'était ça. Et puis après, il ouvre la porte, il a du sperme sur les mains et tout. C'est grave. Non, imagine que je me force à l'autre toilette et tout, donc j'ai grillé, en fait. Ah ouais. Et comment tu l'as pris? Je l'ai mal pris, parce que pour moi, c'est que je ne devais pas assez le satisfaire, en fait. Je suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que c'est justement une banalité dans les rapports sexuels, un manque d'effort, un manque d'imagination. C'est là qu'il faut travailler. Il ne faut pas que tu le prennes comme tel. Tu ne le satisfais pas. L'amour, ça se fait à deux. Autant à lui de trouver les scènes érotiques qui vous excitent qu'à toi. Mais ce n'est pas unilatéral. Comment il était après? Je pense qu'il devait être un peu éteint. Tu sais, genre un mec qui vient de se vider. Il était stone, quoi. Il était un peu stone, oui. Ouais, voilà. Ouais. Il était un peu vidé, comme tu dis. Donc, notre auditeur du soir, Rémi, ça doit y aller. Ouais. Hein, Rémi. Ouais, attends, moi je veux dire, comme tout le monde en a regardé, enfin je veux dire, moi, mon ex, vous savez, ça la dérangeait pas, mais après, pour réagir à ce que dit Anna, que son mec voulait reproduire ce qu'il voyait dans les vidéos, pour moi, tu vois, ça vaut, c'est vraiment du fantasme et rien d'autre. Je voudrais pas reproduire ce, que, ce qu'il y a dessus. Enfin, après, je suis plus chaud, mais... Ah, c'est, génial, c'est une excellente conclusion. Après, je suis plus chaud, mais... Attends, voilà, non, mais ça, c'est très intéressant. Donc, la seule vision que tu as du rapport sexuel, c'est ce que tu as vu dans les films porno, on est d'accord? Bah, non, pour moi, c'est vraiment différent, quoi. C'est vraiment attends, pas... T'es différent, il a compris, Doc, que c'était différent, justement. Mais c'est différent. Et pour toi, tu l'imagines pour toi autrement, c'est ça? Ouais, ouais, vraiment. Okay. Bah, en même temps, Doc, des fois, tu nous en parles souvent, tu dis que... Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, moi, j'ai jamais fait, mais je m'attends vraiment à autre chose que ça, en tout cas. Eh ben, bravo. Bravo, Rémi. C'est évident. Les films porno, c'est pas la vie. Hein. Ça, on vous le répétera toujours. Et dans un instant, on sera avec Harry, 16 ans d'Orléans. Il se fait harceler parce qu'il est homosexuel. On va l'aider. On va en parler avec lui. Si vous souhaitez réagir, 01 42 48 5000. Et on va découvrir tous ensemble le nouveau Yellow Claw. Open. À tout de suite sur Fun Radio. 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Bruno. Et ben voilà. Bravo Sébastien. Ah merci beaucoup. Sébastien, 461,89€, qu'est-ce que c'est? Un piton royal pour mon fils. C'est un bon moyen de te débarrasser de ton fils. Hein. Non, mais c'est pas dangereux, il a 6 ans et c'est pas minime donc. Ouais, ah d'accord, regarde. Très bien. Ah, bon. Et pour ses 7 ans, tu l'offres quoi? Une scie circulaire? Il était passionné de dinosaures, mais le problème c'est qu'on en bouge plus. Ah bah oui, bien sûr. Bon bah écoute, je te paye le piton de ton fils. Merci beaucoup, continuez comme ça, en tout cas vous êtes géniaux. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Enzo. Vous voulez devenir le youtubeur de demain? Alors participez au grand casting Ta vie puissance Yop. Postez vos vidéos et faites voter vos potes. Les 10 meilleurs participeront au show final sur la scène du Trianon avec les youtubeurs Tonio Life, Théo Gordy et Shake Up. Rendez-vous sur yop.fr et conditions aussi sur yop.fr. Avant de déménager, avez-vous pensé à tout? Le camion? 40 cartons sur un scooter? Eh ben ça va en faire des allers-retours. Les copains? Ah, oh, répondeur. Ouais, allô Nico, je voulais être sûr que t'avais pas oublié notre déménagement. Il est quand même 20h. Et l'électricité? T'as la lampe torche? Ouais. T'as des piles? Non. Sinon, souscrivez en 5 minutes seulement sur particulier.engie.fr. Avec Elec Weekend d'Engie, l'électricité est à moins 30% le week-end. Offre de marché, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. À l'occasion de la 10e édition de la Sage Freestyle Cup à Marseille, Fun Radio présente Party Fun Live. Mercredi 21 juin, Plage Borély. Retrouvez sur scène les plus grands DJ. Martin Solveig, Galantis, Packer Matt, Henri PFR, Ugel, Watermat, Adrien Thomas, Imaeva Carter. Party Fun Live. Mercredi 21 juin à partir de 19h. Plage Borély à Marseille. À vivre en direct sur Fun Radio. Le son dance floor. Et si faire installer la fibre 100% fibre changeait tout à la maison? Depuis qu'il a fait installer la fibre Orange, je trouve mon père beaucoup plus drôle. Moi, depuis qu'il nous a apporté la fibre Orange, j'adore quand mon père me montre ses photos de moto. Et moi, avec la fibre Orange, mes enfants me trouvent encore plus cool. Avec Livebox Zen Fibre, devenir le héros de la famille ne coûte que 19,99€ au lieu de 38,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Livebox en location plus 3€ par mois. Prix avec remise de 14€ par mois et remboursement de 5€ par mois en changeant d'opérateur. Valable jusqu'au 5 juillet 2017 en métropole sous réserve d'éligibilité. Conditions sur orange.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Fun Radio, c'est ça. Fun Radio, le son dance floor. Seul face à mes erreurs, je ne compte plus les heures. J'ai peur de devenir fou, fou, fou, fou. We signed up forever. seul face à mes erreurs. Je ne compte plus les heures. J'ai peur de devenir fou, fou, fou, fou. We're leaving together. We'll be gone forever. J'ai peur de devenir fou. You're making me fall, you're making me drown, you're making me, I can't live without you, hey, you're making me fall, you're making me drown, you're making me, Radio. Posez vos questions, vous pouvez venir vous éclater là avec nous hein, sur l'antenne de Fun, libre antenne, tout le monde a droit à la parole, hein, il suffit d'appeler le standard Guillaume et Cindy qui décroche 01 42 48 5000 et puis vous pouvez aussi être notre auditeur du soir, Rémi. Rémi est avec nous depuis 20h, ça va Rémi? Ouais, ça va super, toujours. Tu sais que c'était l'événement aujourd'hui Rémi? Bah évidemment. La capote dans l'espace. La capote dans l'espace. On aura notre auditeur Nicolas qui a lancé depuis la Finlande aujourd'hui la capote dans l'espace. C'était en Facebook Live à 17h45. Ça a duré 20-25 minutes à peu près. On a vu la capote s'élever. Après, on voyait qu'elle était quand même super haute. Hein. Ah bah et il oui. y a eu une déconnexion, j'ai envie de dire, du faisceau. Et là, que s'est-il passé? Nicolas va nous expliquer dans quelques minutes qu'est-ce qui s'est passé pour cette fameuse capote dans l'espace. En attendant, on va accueillir Harry. Harry, il a 16 ans, il est d'Orléans. Bonsoir Harry. Bonsoir l'équipe. Salut à toi Harry. Raconte-nous un petit peu ton histoire là Harry. Bah en fait, ça s'est passé, enfin ça fait 9 ans, ça dure. 9 ans? Ouais, 9 ans, ouais. Depuis que je suis rentré au collège. Et qu'est-ce qui dure depuis 9 ans? Le harcèlement, je me fais frapper, insulter et humilier parce que je suis homo. D'accord, bien sûr. Sauf que tu as 16 ans depuis 9 ans, tu avais 7 ans. 7 ans, tu n'étais pas au collège, n'est-ce pas? Si, bah, en 6e. Ça a commencé en 6e. Mais tu n'avais pas 7 ans en 6e, alors voyons, alors tu n'as pas 16 ans. Tu avais 11 ans, 12 ans. Oui, 11 ans, 4 ans. D'accord, peu importe, c'est pas le temps. Ouais. Mais suffisamment long pour effectivement être pris en compte. Dis-nous au quotidien comment ça se passe. Bah, ça commence le matin quand j'arrive au lycée et enfin, on s'amuse à m'insulter. On dit quoi? Déjà, on me dit le sale PD, va sucer des bites, tout ça. Mm-hmm. Puis après, comment? Je dis, c'est élégant. Oui, bah, ça ne m'étonne pas d'eux, en fait. Mais, j'ai ça. Puis après, il y en a qui me chauffent dans un coin et puis qui me frappent, voilà. T'es sérieux? Et toi, tu dis rien, Harry? Bah, je n'ai pas de force, donc je ne sais pas frapper. Justement, non, on te demande pas de frapper, on te demande de parler, en fait, de dire ce qui t'arrive. Et là, tu le fais ce soir en direct à la radio et c'est vachement bien. Mais il faut en parler, hein, Doc. C'est absolument essentiel, c'est la première étape. Vu ton âge, si tu veux, tu vas pas quand même te battre ou des choses comme ça. Et en général, les harceleurs le font, en général, pour se faire remarquer, pour être drôle, pour être populaire, entre guillemets, où la méchanceté est au quotidien considérée comme une chose normale, comme de l'humour. Ouais. Alors, c'est tout sauf de l'humour. Ah, c'est vraiment drôle. Est-ce que tu as déjà été dans des situations où tu n'avais carrément pas envie d'aller à l'école, c'est-à-dire où est-ce que tu as manqué l'école à cause de cela? Ouais, ça m'est arrivé. D'accord. Est-ce que tu as déjà pensé à la mort? Oui, bah, je me suis déjà scarifié. D'accord. Ouais. Donc pour toi, ça te coûte énormément et tu n'as pas osé en parler? Non, j'en ai parlé qu'à ma meilleure amie et après, non, je n'ose pas en parler aux autres. Eh bien, tu dois. Parce que d'abord, tu es encore mineur, même si tu es devenu un grand garçon. Tu as 16 ans. Est-ce que tes parents sont au courant de ton homosexualité ? Oui. D'accord, donc ils peuvent tout à fait te défendre, tu leur dis. Ils doivent absolument et en urgence aller dans cet établissement, consulter en plus pour être appuyé le site SOS Harcèlement mis en place par l'Éducation nationale avec un numéro vert qu'on va te dire dans deux minutes, et sur lesquels tu vas trouver bien sûr des tas de conseils judicieux. On va surtout apprendre à te déculpabiliser. Tu n'es pas responsable de cela. Ton attitude ne peut pas être mise en avant. C'est formellement interdit. Et bien évidemment, il faut d'une part que ça cesse, éventuellement qu'il soit condamné, mais surtout que ça cesse. Et en général, ça se passe de la façon suivante. C'est rencontrer les harceleurs, avoir un entretien avec eux et obtenir qu'ils se calment et qu'ils arrêtent de harceler. Et sans quoi, d'ailleurs, il y a des établissements où les harceleurs sont exclus, parce que c'est pas aller jusqu'au racket, des choses comme ça. Ils sont exclus d'établissement. Donc il faut que tu te défendes, voilà. Est-ce que t'es prêt à le faire, Harry? Ben, sincèrement, je sais pas. Mais tu vois, c'est ça le problème, en fait. C'est que le mec qui se fait harceler, il ose pas parler. D'accord. Moi, parce que j'ai peur des représailles. Ouais, non, mais, sauf que non. À partir du moment où tu vas parler, il n'y aura pas de représailles. Mais non, il n'y aura pas de représailles. Tu te rends compte, s'il y a des représailles, alors que tu as déposé plainte contre un groupe et qu'ils vont te frapper ou faire autre chose, là, c'est les mains dans le dos. Et la prison directe avec 3 mois de préventive avant d'être jugé. Non, mais attends, il faut quand même que tu imagines ça. On est dans une société violente, soit, mais justement, il ne faut pas se laisser faire. Et je vais te dire une chose qui va peut-être t'aider. Ces gens-là sont tout autant en souffrance. Et effectivement, pour agir comme cela, c'est qu'eux-mêmes ont un problème. Mais ça ne les excuse pas. En revanche, le prendre en compte, faire en sorte que ça s'arrête, c'est peut-être les aider, eux, à sortir de leurs problèmes également. Ouais. Toi Rémi, t'es au lycée, toi, Rémi, hein ? Ouais, je suis au lycée en seconde. Notre auditeur du soir. Et t'as peut-être des potes qui sont homo, qui s'est arrivé ce harcèlement. Comment est-ce que tu vois ce que nous raconte Harry, toi ? Bah, franchement, moi, dans mon lycée, non, j'ai pas d'exemple. En tout cas, je connais personne qui se fait harceler dans mon lycée. Ouais. Mais franchement, moi, je comprendrais jamais. En fait, on peut pas. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Tu peux pas juger ou me frapper et insulter quelqu'un juste parce qu'il est homo, gros ou pas comme on veut. Enfin, chacun est comme il est. Bien sûr, on est d'accord avec toi. Quel que soit le motif, rien ne justifie de pareil brimade. C'est une évidence. Oui, des brimades. Bah, ouais, voilà. Bah oui, non, mais bien sûr. Et c'est pour ça justement que Harry, la première chose à faire, et tu l'as fait en nous appelant ce soir, c'est d'en parler. Il va falloir que tu arrives à en parler, Harry. Oui. Alors pour ça, tu vas sur Internet, il y a SOS Harcèlement qui est mis en place par l'Éducation nationale, mais tu as aussi la Fondation Enfance qui fait cela, Enfant Bleu. Le numéro, c'est le 3020. 3020, tu fais ce numéro, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas tomber sur quelqu'un qui va commencer par t'écouter, te rassurer, t'expliquer que tu es victime et qu'il faut absolument te défendre. Voilà, mais pas toi, qu'on te défende. Donc Harry, là tu nous as appelés. Tu nous en as parlé, donc nous, on va pas te laisser tomber et on va t'aider justement à en parler s'il le faut, d'accord ? D'accord. Ok, donc on va te reprendre en antenne et on va t'expliquer tout ça et on va te suivre voilà, dans la semaine là, qui on arrive va, pour essayer d'avancer là-dessus. On va te donner des numéros pour cela, le numéro SOS Harcèlement, mais mon numéro aussi si tu veux, pour que tu puisses, voilà, et que je puisse peut-être m'entretenir aussi avec tes parents. Et c'est valable pour tous ceux qui nous écoutent, hein. Vous vivez une situation de harcèlement, s'il y a bien une émission qui peut vous aider, c'est bien nous, hein. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Vous savez qu'ici on est les seuls qui en parlons, hein, et on en est plutôt fiers d'ailleurs, hein. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Harry, tu raccroches pas, on te reprend en antenne, d'accord ? D'accord. Salut Harry. Salut. Ciao à toi, on va se marrer dans un instant avec le défi Fallait pas demander. C'est Guillaume, 17 ans de Paris, qui va faire le défi à sa maman Sandrine. Je rappelle le but, hein, c'est de l'énerver. Il va lui dire: maman, est-ce que ça te dérange si je passe pas le bac cette année pour aller au Tibet pour méditer? Restez avec nous, ça va être énorme. En attendant, vous découvrez le nouveau Yellow Claw. Open your door. Bottle rockets are blowing. Hands are exploring. Position myself how you like. Whiskey makes me controlling. I give for nothing. Let go and live for a night. Tell me nothing. Tell me nothing. Show me love right. Hit me up, baby. J'adore. C'est la révélation de l'année. Yellow Claw avec Open sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Lovin Fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio, forcément. Et on en a parlé en début d'émission. On a une pensée pour tous ceux qui vont passer des examens. Ça s'appelle le bac. Oui. Le baccalauréat. Ouais, ouais. Et putain, est-ce que c'est important? Et notamment pour tes parents. Tu sais, moi, je me souviens la pression que j'avais des parents. Bon, tu peux faire toutes les conneries que tu veux, mais faut que t'aies ton bac. Ouais, c'est clair. Hein, c'est tellement important pour eux et pour vous aussi, bien sûr. Hein, le bac, on pense à vous. On vous saoule pas trop avec ça ce soir parce que je sais que vous nous entendez parler que de ça là, en ce moment. En tout cas, on vous souhaite bon courage. On est tout cœur avec vous. Et d'ailleurs, avant la fin de l'émission, on vous filera quelques conseils avec Doc justement pour être au top là demain, pour bien passer votre examen. Restez bien avec nous en plus parce qu'on aura le chiffre d'Alice. Ce soir, on parlera de quoi, Alice? On va parler des bisous et plus particulièrement, est-ce que vous êtes plutôt du genre avec ou sans la langue? Ah, bah voilà. Un petit peu de langue, mais point trop n'en faut, je pense. Ah, bah ça dépend des gens. Hein. Okay, il y en a qui détestent ça. Ah, ouais, ouais. Et puis il y en a qui roulent des grosses galoches. Ah, tu oui, sais, qui là. Qui aiment un peu trop ça. La machine à la bave. Ah ouais, attends, le truc qui bave et tout, c'est dégueulasse, sans déconner. On sera avec Mehdi aussi. Mehdi, t'es là? Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut. Mehdi, t'as 17 ans, t'es à Melun, on va parler de quoi avec toi? Ouais, bah j'aimerais avoir des techniques justement pour être bien avant le bac. Eh ben voilà, Doc va t'aider, va vous filer plein de petits conseils. On sera aussi avec Nicolas qui a envoyé la capote depuis la Finlande dans l'espace et qui va nous expliquer comment ça s'est passé. On écoutera du son aussi avec Major Lazer. Et il est déjà sur Fun Radio, le nouveau Martin Garrix. There for you. There for you. On fait le défi, fallait pas demander, allez c'est parti. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Lovin' Fun. Sur Fun Radio. Défi, fallait pas demander et on a avec nous Guillaume, 17 ans de Paris. Salut Guillaume. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut à toi. Guillaume, casque de réalité virtuelle de la marque Omido a gagné, ça c'est plutôt cool hein. Ouais, bah vachement bien, attends, j'espère que je vais gagner. Hein. Ah bah ouais, j'espère aussi pour toi. Guillaume, le principe, il est super simple. T'appelles quelqu'un, ok, quelqu'un de ton entourage. Voilà, exactement. Et tu dois le faire criser, l'énerver. Qui tu vas appeler ce soir? Alors je vais appeler, c'est Sandrine, c'est ma maman. Et je vais lui faire croire que je passe pas mon bac cette année et que je vais partir vivre au Tibet. Ok. Rien que ça. Okay. Voilà. D'accord, donc genre... Ça va être ouf. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire genre, t'as rencontré un mec... D'accord. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais faire. Qui est à fond dans la spiritualité et je pourrais faire cet homme. Avec plaisir, oh, je suis sûr. Ça marche. Et ben c'est parti, Guillaume qui ne va pas passer le bac parce qu'il part au Tibet pour méditer. C'est parti, je pense que maman va être contente de savoir ouais, que... Ouais, elle va être très contente. Et puis le Tibet, c'est pas la porte à côté, on y va. Allô? Allô maman? Oui? Ouais, c'est Guillaume, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Je t'appelle. J'avais un truc à te dire, mais je préférais pas te le dire en face. Je préférais te le dire par téléphone. Je sais que c'est un peu compliqué de te dire ça, mais en gros, ce qui va se passer, maman, c'est que je vais pas passer mon bac cette année. J'arrête tout et je vais partir vivre au Tibet. Voilà, c'est pas une blague, c'est vrai. Et... Tu me racontes? Non, si, je t'assure, c'est vrai. Voilà, le bac, tout ça, on oublie, j'arrête, j'en ai marre, ça me saoule, j'en ai marre de cette vie ici à Paris, c'est juste pas possible. Donc, je pars au Tibet à la fin de l'année, donc je passe pas le bac, ça sert à rien, j'irai même pas. Bon, allez, Guillaume, arrête, une blague. Voilà. Bon, est-ce que ça te dérange, maman, que je passe pas le bac cette année? Est-ce que ça te pose un problème? Ah, mais c'est pas que ça me dérange, c'est que tu passes le bac cette année, il n'est même pas question que tu le passes pas, Guillaume. Maman, je te dis, j'ai pris une décision. En fait, faut pas chercher maman. Ma décision, elle est prise, c'est comme ça, et il n'y a pas d'autre issue possible. Ce sera comme ça, et c'est tout. Donc, à 16 ans, faut pas une décision comme ça, et c'est tout. À 16 ans, on écoute ses parents, et en l'occurrence, je suis pas du tout d'accord pour pas que te balader au Tibet. Tu passes ton bac, tu sais très bien. Non, on a discuté plusieurs fois. Il n'est pas question que tu t'ailles faire quoi que ce soit avant de passer le bac. C'était la condition sine qua non. Après, tu fais ce que tu veux. Mais avant, non, tu passes le bac, non, tu le sais. Faut que je t'explique. J'ai rencontré un homme sur Internet qui vit au Tibet. Et rigole pas. Allez, vrai, ça suffit maintenant. Non, mais c'est vrai ce que je te dis. Laisse-moi t'expliquer au moins, d'accord? Il m'a dit qu'il pensait que j'avais des capacités un peu spéciales. Et en gros, ce que je voudrais faire, c'est partir au Tibet. Il y a une école qui va apprendre en fait la vertu et l'ouverture sur la nature. Et je vais être là-bas pour prier toute la journée et je vais pas du tout. Attends, Guillaume, c'est bon. C'est fini. On arrête. Là, stop. Maman, allez, c'est pas drôle. Maman, c'est pas drôle du tout là. J'ai pas terminé. Il me faudrait 800 euros pour les billets d'avion. Voilà, je te demande juste ça et c'est tout. Bon, allez, on arrête, stop. Bon, t'as un truc à me demander. Ok, en dehors de ça, non, c'est pas possible, là, Guillaume. Là, tu. Bon. Écoute, tu sais quoi, maman, je vais te passer le monsieur en question là, il a 50 ans, c'est lui qui veut m'apprendre tout ça, c'est lui qui m'a dit j'avais une capacité. Mais tu plaisantes, Guillaume, j'ai pas du tout envie de parler à un monsieur de 50 ans avec qui que t'as rencontré je ne sais où. Mais non, Guillaume, il est même pas question. Je vais pas discuter avec un type que je connais pas, que tu connais à peine, qui va t'emmener au Tibet, faire je ne sais quoi, et te dire qu'il faut pas passer le bac. Bonjour madame. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Paix spirituelle à l'intérieur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette conversation téléphonique. Vous allez bien? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis avec votre fils. Guillaume, passez-moi mon fils. Non, je tenais à vous parler. Mais passez-moi mon fils, parce que... Vous savez, votre fils est un axe majeur de sa vie. Il est à la recherche de la paix intérieure, pour occulter cette vision matérialiste. Non, c'est ta décision. Je suis responsable de lui jusqu'à sa majorité et il partira pas. Je vais réussir là où vous avez échoué, madame. Non, mais j'ai rien échoué du tout. Mon fils, il est super. Il a rencontré, il vous a rencontré, je ne sais où. D'ailleurs, il vous a rencontré comment? Je l'ai rencontré sur Tinder. Ah bah oui, sur Tinder. Bon, comme ça, on est sûr que c'est sérieux. Voilà. Il m'avait liké, je l'ai liké, on a matché. Voilà, sur Tinder. Et vous voulez aller au Tibet pour ouvrir les chakras et vous êtes sur Tinder. Non, mais c'est une blague. Om mani padme hum. Non, mais voilà, c'est... Voilà, c'est la vache folle maintenant. Non, mais là, vraiment... Non, mais là, je crois que... Ça va mieux. Vous avez ouvert vos chakras. Ça va mieux. Ouais, vous avez dû ouvrir vos chakras, bah, très bien, vous n'avez pas besoin de mon fils pour ouvrir les autres. Donc il va rentrer à la maison, il va bosser, il va réviser, d'ailleurs je ne sais pas ce qui lui prend. J'étais bloqué au niveau de... Ça doit être Tinder ça je pense, faut arrêter de matcher sur Tinder. Oh, j'avais une petite crise d'aérophagie depuis hier, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je me suis libéré. Guillaume. Sandrine. Guillaume. Sandrine. Allô. Sandrine, lâche-toi, t'es en direct sur Fun Radio. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, mais... Ça va, Sandrine? Guillaume. Maman, c'était une blague, maman. Mais c'est con, hein. N'importe quoi. Sandrine, Sandrine, vous venez de vous faire piéger par votre fils Guillaume. Et vous savez, grâce à vous, Guillaume, il repart avec son casque de réalité virtuelle. Bravo, Guillaume. Non, mais... Alors, je rappelle que le but du jeu, Sandrine, était de vous énerver en vous posant une question qui devait vous énerver. Hein. Ben, ça m'a bien énervé. Donc, on est parti sur un délire tibétain aujourd'hui. Donc voilà, ouais, mais à la fin, le délire tibétain, c'est curieux comme délire tibétain en fait. J'avoue que. En tout cas, pas question qui. Bon, Guillaume, tu rentres à la maison, tu viens réviser ton bac. Oui, t'inquiète pas, maman, il n'y a rien de prévu. Je pars pas du tout au Tibet, je reviendrai, il n'y a pas de problème. Et Guillaume, j'espère que tu révises fort. C'est le dernier. Ah, mais bien sûr! Bien sûr, dernière ligne droite, là, on est à fond dedans. Oui, sûr. Tu me mets un coup de collier, hein. D'accord. C'est ce que tout le monde dit, tu sais. C'est ça, ouais. Allez, tu mets un coup de collier, mon chéri, c'est la dernière ligne droite. Et voilà, et après, il ira au Tibet s'il veut. Voilà. Hein. Mais il va falloir qu'il me trouve autre chose. On vous fait des gros bisous, Sandrine qui repart avec le sourire, ça fait plaisir. Et Guillaume, tu reviens quand tu veux, bravo à toi, bravo à tous les deux. Bah merci à vous l'équipe, salut tout le monde, ciao. Salut. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro. Lola est au téléphone avec nous. Bonsoir Lola. Bonsoir Lola. Bonsoir Lola, salut, c'est bien. Bonsoir toute l'équipe. Toujours commencer par soi, c'est très bien. T'as 16 ans, t'es à Beauvais Lola. Oui. T'appelles pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais savoir Est-ce que c'est normal que quand mon mec me touche les seins, ça me fait rien? D'accord. Oui, bien sûr. Ça te fait rien ou t'aimes pas? Bah, je ressens rien en fait.

Martin Jensen sur Fun Radio, Solo Dance. Du sexe, ah, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. C'est gratuit hein, pour nous appeler. En plus, on vous rappelle derrière 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Et vous le savez, aujourd'hui, c'était l'événement. Nous avons envoyé la capote Love in Fun dans l'espace. Nous avons Nicolas. Nicolas, 30 ans, de Finlande. Il est en Finlande et c'est lui qui a envoyé la capote ex Love in Fun dans l'espace. Comment ça va, Nicolas? Ça va et toi? Bah, ça va bien. Et excuse-nous, mais on a eu un petit peu peur. On avait dit Facebook Live à 17h45, ça a commencé vers 52. Hein, et ouais, j'ai pris un peu de retard. Alors, on t'a vu d'ailleurs, c'était assez rigolo parce qu'on voyait tes enfants qui jouaient derrière au tout début, au lancement de la capote dans l'espace. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Sachant que demain, si tout va bien, on aura une vidéo dès demain matin qu'on vous postera où vous pourrez voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Eh ben, alors moi, grosso modo, en fait, on a eu un temps, mais alors, une horreur, il y avait du vent, mais comme pas possible. On avait 15 jours pour le faire, en fait, c'était le jour où il fallait pas, il y avait du vent, c'était une horreur. Ouais. Le ballon, bah, t'as vu, c'est un ballon qui est énorme. Et, qui est rempli d'hélium, c'est ça. Ah ouais, donc ma femme, elle tenait le ballon, mais avec le vent, ma femme, elle est toute légère. Vous verrez sur la vidéo, quand vous aurez les images, c'est un truc de dingue, elle était prête à s'envoler avec le ballon, presque. Donc, on a vraiment, vraiment galéré. On a eu peur. On avait dit la capote dans l'espace, pas ta femme. Hein. ouais, grave. Arrête de lancer stratosphérique de ma femme. Si dans l'espace, elle rencontre un démon, on sait jamais. Ah oui. Non. Donc, ouais, on a vraiment galéré pour le lâcher, mais ça va. Le ballon est parti. On s'est vite dépêché à lâcher le ballon avant qu'il éclate. Parce que, tu sais, c'est la neige au sol, c'est des petits cristaux. Donc, si le ballon venait à toucher le sol une ou deux fois, c'était fini, on le crevait. C'était catastrophique, quoi. Ouais. Donc on a réussi à faire le lâcher et on a réussi à récupérer la nacelle, c'est surtout ça à la retrouver. Alors, attends, parce que là tu sautes des étapes. On a tous regardé le Facebook Live tout à l'heure, donc on a vu le ballon qui montait avec différentes caméras, c'était des caméras alimentées avec des batteries, et à un moment donné, on a eu une rupture quand il était à peu près à, on va dire, 15 000 mètres d'altitude, quoi, c'est ça? C'est ça, en fait, quand il est arrivé à partir, ça a commencé déjà à bugger un petit peu avant, légèrement avant, si t'as vu le truc. Ouais. Et en fait, à partir de 15 000, c'est pas que j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai eu un gros souci. En fait, j'ai passé une zone, j'ai des capteurs dans la nacelle, et j'ai passé une zone où on a failli atteindre les moins 60, j'étais à moins 59,8 degrés. Ouais. Et les caméras, il y a une des caméras, celle qu'il fallait pas qu'elle lâche, la batterie a gelé, et résultat, ça a atteint 15 000 mètres au niveau de la vidéo. On est monté jusqu'à 29 000 et quelques, donc presque 30 km, mais par contre la caméra s'est coupée à 15 000. Donc, tu es en train de nous dire qu'on n'aura peut-être pas les images? On aura les images, mais pas les images les plus jolies. C'est pas ce qu'on imaginait. J'ai eu un souci avec les caméras. Tu sais, franchement, Nicolas, déjà, d'avoir réalisé ça en si peu de temps, c'est un exploit, hein, vraiment. Merci, et hein. Avec si peu de moyens, quelque part, t'es parti là-bas avec ta femme et tes enfants. Et franchement, on va t'applaudir parce que bravo, la capote dans l'espace. Ça va, c'est cool. Bravo, Nicolas. Cool, merci. Alors, nous t'invitons toujours demain dans l'émission. Tu seras là, hein, tu prends ton vol et tout, tu reviens ça, de Finlande. Ouais, c'est ça, on prend l'avion direct demain matin et on arrive direct sur Paris et on vous rejoint le soir dans l'émission. Et tu as la capote, tu as récupéré la capote? La capote, je l'ai, et celle-ci, il faudra la mettre sous vitrine ou faire quelque chose, mais ouais, celle-ci, il faut la garder précieusement. tu m'étonnes. C'est clair. Bah, celui qui fera l'amour avec cette capote, putain. Ah ouais, je sais pas si elle sera encore. J'ai envie de te dire, mon gars, vaut mieux pas, parce que c'est à moins 60 degrés. Elle a pris cher la capote. Pour ceux qui posent la question, comment est-ce qu'on a fait pour récupérer les images? En fait, la nacelle est redescendue avec une espèce de parachute et voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Ouais, il y avait un GPS pour retrouver. C'est ça. Deux même. Je t'expliquerai tout ça quand on sera à l'antenne. D'accord. Demain, et bah, demain soir, tu seras avec nous à l'antenne, dans les studios, bien au chaud. Nicolas, merci beaucoup et bravo encore. Allez, merci, c'est cool. Salut, Nicolas. Salut, ciao. Lola nous rejoint, elle a 16 ans, elle est à Beauvais. Salut, Lola. Salut tout le monde. Salut. Bonsoir, Lola. Alors, parle-nous un petit peu de tes boobs. Bah, en fait, je suis avec mon copain depuis 3-4 mois et commence à de plus en plus se caresser et tout. Mmh. Et l'autre fois, bah, il a commencé à mettre ses mains sous mon t-shirt et il m'a touché les seins, enfin bref. Ouais. Et lui, il a kiffé, mais moi, ça m'a rien fait. C'est comme si, en fait, il me touchait le genou, le coude. D'accord. D'accord. En revanche, dans d'autres endroits, tu as éprouvé du plaisir. Ouais. Il t'a caressé où, par exemple? Entre les cuisses? Au niveau de ton clitoris, ouais. Soyons clairs. Oui. Alors, voilà. Et voilà. Comme ça, c'est mieux dit. Oui, c'est normal. Écoute, ça arrive. Il y a des filles qui n'ont pas à faire forcément. Et en tout cas, c'est bon, un peu du contexte, c'est des circonstances, du plaisir lorsqu'on leur caresse les seins. Lorsque toi, est-ce que tu as du plaisir dit solitaire? Oui. Et tu te caresses le clitoris, j'imagine, mais tu te caresses aussi les seins ou pas, toi-même? Bah, en fait, ça ne fait pas grand-chose, les seins, donc... Mais t'es peut-être pas hyper sensible, en fait. Hein. Tu es normal. Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle, Lola. Deuxièmement, dans une relation sexuelle, on part aussi à la découverte du corps de l'autre, avec beaucoup de finesse, de délicatesse. Comme un explorateur. On va chercher les zones sensibles qui donnent du plaisir. C'est là tout l'intérêt de la découverte du corps de l'autre, et non pas y aller comme un bourrin. Il y a des zones qui sont plus ou moins sensibles et parfois des zones où on n'est pas sensible. Alice, toi t'es sensible des seins hein? Bah écoute, franchement ça dépend. Je suis pas hyper sensible dans le sens où il y a certaines filles qui sont très sensibles où elles ont mal facilement en fait. Mmh. Et moi à ce niveau-là non. Mais oui je suis réceptive au niveau de ma poitrine. Je réceptionne tout à fait au niveau des seins. Non mais voilà ça me fait quelque chose quand on me touche les seins. Mais ils sont pas sensibles dans le sens où j'ai pas mal facilement. Il y a quelques femmes, pas beaucoup mais un certain nombre. Qui, par exemple, refusent d'allaiter leur bébé parce que pour elles, c'est avant tout, et même si c'est une erreur, mais enfin, c'est ce qu'elles pensent, donc il faut le respecter, c'est avant tout un objet sexuel. Comment ça? Il y a des femmes elles se voient qui n'allaitent pas parce que pour elles, c'est uniquement... Ah, qui ne donnent pas le sein, d'accord. Oui. Ok, ah bah oui, bah alors que pas du tout à la base, les seins, c'est fait pour ça, justement. Oui, mais bon, les deux en même temps. Pourquoi oh, ok, non, t'es rassurée, Lola? Oui. C'est pas parce que tu ressens pas de plaisir que c'est anormal. Au contraire, tout va bien, Lola. D'accord. Voilà, qu'il se concentre davantage sur ton clitoris, puisque c'est la zone. Et peut-être l'intérieur des cuisses, c'est peut-être les fesses, c'est peut-être pourquoi pas le cou. Les zones érogènes. L'autre partie du corps à découvrir. Juste pour finir, les zones érogènes, deux catégories, zone érogène primaire, secondaire, tout à fait. Primaire, c'est ce qui donne l'orgasme. En général, c'est le clitoris et la verge. Voilà. Allez hop. Les autres sont secondaires. Voilà, c'est ça. Et ça peut être le genou. Le doigt de pied, si tu veux. Le cou, les cuisses, en général, c'est ce qui ressort le plus. Quoi. Le cou, les cuisses. Ouais, le cou, les cuisses, c'est quand même considéré comme des zones super érogènes. Rémi, notre auditeur du soir, c'est quoi ta zone érogène, toi? Ma bite. Merci Rémi. Un peu de finesse. Rien. Il est cool, putain. Bah oui, en même temps, c'est la primaire. Hein. Le chiffre d'Alice dans un instant sur Fun Radio. On fait des gros bisous à Lola qui nous a appelé ce Salut. Soir. On va parler bisous avec ou sans la langue. C'est ça, on va parler du fait de s'embrasser. Alors, est-ce que vous êtes plutôt bisous avec ou sans la langue? Exactement. Est-ce qu'on met un petit peu de langue avec toi, Alice? Un peu, beaucoup. Oui, moi j'aime bien la langue. Ah, vive les langues. Voici Major Lazer sur Fun Radio. Réagissez au standard 01 42 48 5000. Yeah. They thought that you was a shy girl until I made you my girl. Girl, you push me like a big boy. Till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl, I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me. Never gonna not hit that. Your loving is just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'ma run up on you. Girl, you used to being quiet till I brought that loud. You say your dollars is a mountain. Hey, yo, mama, you're accounting. You watch your figures, you a big deal. Got your fresh prints and a big wheel. Polo mink coat, that's a big kill. Put you on a phone like a windshield. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me, yeah. Never gonna not hit that. Your loving is just too me. And every time you hit my phone, you say you need company. I'ma run up on you. I'ma run up on you. I'm a runner, boy. I'm a runner, boy. I'm a runner. a boss. Don't Griselda go off. Left from the loft and went to Bergdorf. Most of these dudes is really quite soft. 45 special, this is my cloth. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Drop a freestyle and get these hoes perched. Fire burn, it will be a mantra. See girls when my girls get right. Is this another day? Let your light shine bright. Ain't none of them in your life. Game pan like them want cool. Just link with some hot girl out the road. Try me have the way a smile, pretty boss wine. Rolex, not the pan on the dirty girl tie. Yo, I told him pull up on me, faster than Danica. That's on the lawn, tryna blow him like harmonicas. He call me queen, he know Nicki is the moniker. He wanna mix between Hillary and Monica. I switch it up. Rip the beat and I stitch it up. Traveled and I bounced up all Sinead, sir. Barbie, I link up, Major Lazer. I'm a renob. I'm a renob. I'm a renob. I'm a renob. I'm a renob. I'm a renob. I'm a renob. I'm a renob. Le groupe américain Major Lazer, Run Up sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice, le chiffre d'Alice dans Lovin' Fun sur Fun Radio. On va parler des bisous. De soupe de langue. Ah oui, des smacks, des gros smacks. Ouais. Ah, c'est le chiffre spécial bisou ce soir. C'est ça, et j'ai découvert qu'il y avait quand même 37% des gens qui détestaient mettre la langue dans un bisou. C'est-à-dire, il n'y a pas de un peu de langue, c'est juste du smack pur et dur, et on ne met pas de langue dans n'importe quelle circonstance. Parce qu'il y en a certains qui, finalement, préfèrent les bisous, un peu, voilà, ce qu'on appelle le smack sans la langue au quotidien, mais les moments où on fait l'amour, les instants un peu plus torrides, ils mettent la langue. Mais là, c'est 33%, bah, ça les dégoûte. Ça vient d'où le bisou, Doc? Tu sais ça ou pas? La bouche est un organe sensuel, sexuel. C'est un gage de l'oralité au début, et où l'enfant, quand tu es bébé, quand tu têtes, il ne faut pas faire de lien entre les deux. Non. Et c'est une zone de plaisir important. L'enfant a faim, donc il a de l'inconfort, il va se mettre à téter, en tétant, il va sécréter des bonnes hormones, donc la bouche a ce rôle-là, de donner du plaisir et du bien-être. Et je pense que dans la relation sexuelle, c'est un organe qui est bien investi dans le même genre. Mmh. On retrouve peut-être quelque chose, une sensation de plaisir, même si le registre est totalement différent, c'est pas le même but, du genre du plaisir, voilà, pourquoi pas. Avec... D'ailleurs, les relations oro-génitales aussi, je le rappelle. Tout à fait, la pipe et le cuni. Voilà. Absolument. Et est-ce que vous êtes plutôt... Sans parler des lèches-culs, mais enfin bon, c'est autre chose. Ah ça, c'est encore autre chose, t'as raison. Mais il y en a beaucoup. Est-ce que vous êtes plutôt bisous avec ou sans la langue? Bonsoir Lily. Bonsoir. Salut Lily. Salut. Alors, tu fais des petits bisous sans la langue ou avec la langue, toi? Alors, comme je disais sur Facebook, ça dépend forcément de la personne avec qui on tombe. Oui. Il y en a forcément, ça va être très bien avec la langue, enfin, ça va être très agréable. Et il y en a d'autres, ça va passer plus en mode escargot. Donc forcément, c'est pas top de se faire de la base partout. Quoi. Oui, parce qu'il y a un truc important qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Doc? On bave. Votre salive est produite en permanence, il faut une déglutition automatique. Il y en a qui sont en état de sidération. Ouais. Donc, comme si ce réflexe automatique disparaissait. Mais au lieu de partir derrière... Ça va où, la salive? Devant. Ah oui. Devant, dans la bouche de l'autre. D'accord. Et donc, tu baves dans la bouche de l'autre. Putain, mais c'est dégueulasse, vos bisous, sans déconner. Moi, je me souviens, genre, quand je dansais avec des nanas et tout, et là, on commençait à s'emballer, on se roulait des grosses pelles, et je me souviens, genre, au bout de 15 secondes, il fallait que je reprenne ma respiration. Est-ce qu'elle te bavait dedans? Il faut respirer par le nez. Hein. Ah non, je respirais pas, non. Non, j'étais dans un état, laisse tomber. Hein. Je faisais de l'apnée. Non, je te jure. Lily, est-ce que tu fais des petits bisous, genre des petits. Juste ça, toi, des fois? Bah oui aussi, oui. Enfin voilà, après pas tout le temps la langue dans la bouche quoi, enfin, ça dépend aussi du moment, enfin si on est en public aussi. Et quand tu fais l'amour, enfin, voilà. Bah ça dépend aussi, ça peut être les deux. Ouais, ouais, généralement il y en a qui se lâchent aussi quand ils font l'amour quoi, ils s'emballent. Oui, voilà, ouf, ouais. C'est ça. Après il y a aussi l'excitation et tout, donc forcément ça arrive aussi à ce moment-là. Carrément, on parlait de zone érogène, la bouche c'est une zone érogène. Bien évidemment. Ah ouais, ouais. Alan est avec nous de Laval. On l'appelle le galocheur de Laval. Salut. Salut Alan. Salut Karen, salut le doc, salut Alice. Avec une langue de 32 cm. Waouh. C'est énorme. Ça, c'est le texte. Vas-y Alan, t'aimes bien. Alors comment t'embrasses les filles toi? Bah moi j'embrasse ma femme normalement le simple bisou sur la lèvre parce qu'en fait elle aime pas mon piercing à la langue. Ah ouais, d'accord. Donc interdiction de soupe de langue. Ouais. c'est réservé qu'en bas, en fait. Qu'en bas, d'accord. Ah, elle l'aime bien en bas, mais elle l'aime pas en haut, quoi. Non, elle aime pas, parce que pour elle, c'est inconfortable, parce que c'est vrai que j'ai quand même une barre de 10 cm dans la bouche avec deux billes. 10 cm trouve... Ah ouais, putain, mais pourquoi elle est si grande? De ouf. Est-ce que c'est comme ça, c'est une habitude de l'avoir, en fait, dans la bouche? On est certaines, elles font 5, des fois, elles font 6. C'est... Elle barre autant que je veux, mais celle que j'ai en ce moment, après j'ai essayé, elle fait ah, 10 cm. Toi, t'as un piercing aussi ouais, sur la langue. Ouais. Et combien elle fait ta barre? Bah, je sais pas exactement là combien elle fait, mais elle est pas aussi grande. Moi, ouais. j'ai pas une barre qui est énorme et qui dépasse pas de ma langue. J'aurais tellement peur de perdre mon piercing pendant la nuit et d'avaler. Ah, je l'ai avalé il y a pas longtemps. Ah ouais, non, c'est ça peut être flippant le truc. Donc, Alan, toi. Ouais. J'ai envie de te dire que t'es l'homme le moins courageux du monde. Pourquoi tu dis ça? À cause du don de sang. Franchement, ouais, pour le don de sang, t'es ignoble d'avoir pris un coca alors que t'as même pas donné ton sang. Alors que Alice, c'est 2 millions, en fait. C'est mauvais. Sans déconner. C'est plus mauvais des choses. Je me fais attaquer de toutes parts. Le coca de trop. Franchement, t'as déconné. Non, mais j'en ai marre, ça suffit. Ça suffit. Je voulais le donner, mon putain de sang. C'est moi qui prends tout alors que cette espèce d'arnaque de Cassim n'est même pas rentrée dans le truc. Ouais, moi, j'ai fait les tests. J'étais voir le médecin qui m'a dit prenez quand même une petite collation. Voilà. Oui, mais Cassim, il a pas bouffé notre collation après, lui. Ouais, non, mais attends, ça va, c'est bon. On parlera du don de sang tout à l'heure. Je ne pouvais pas le faire, j'ai un putain de panari sur le doigt. Ouais, que t'as fait hier soir. Je rappelle que les dons d'organes sont gratuits en France, ce qui n'est pas le cas des autres pays, notamment de l'Allemagne. Voilà pourquoi tu parles de don d'organes, là, Doc Les dons de sang et d'organes. D'accord. Oui. D'accord. Le sang est assimilé. Oui. Les dons humains sont totalement gratuits. Alors. Tu n'as pas le droit de l'acheter ou de le vendre. Alors, mais je vais dire quelque chose. Alan, puisque tu dis que je suis le mec le moins courageux de la planète, qui a sauté d'ailleurs en parachute il y a peu. Ouais, mais en tandem. Non, enfin, en tandem. Alan. Avec un porte-bébé, il a sauté. Alan, moi, quand je m'engage à faire quelque chose, je le fais. Et j'avais dit que je le ferais. Donc, j'ai pas besoin que ce soit la journée mondiale pour donner mon sang. Et je vous invite d'ici quelques semaines, parce que je ne peux pas avant le 21 juin, je crois, c'est très précis. Ouais, donner mon sang, je donnerai mon sang avant la fin de la saison. T'as raison, il faut le donner régulièrement. Dans ton cul, Alan. Dans ton cul, c'est très important. Je le ferai, non mais sérieusement, je le ferai. Alison, Alan. Oui. Non, on ne t'entend plus. Ah, Alison, 19 ans du Mans. Bonsoir, Alison. Bonsoir, tout le monde. Salut, Alison. On parlait de bisous sur la langue. Oui. Hein? Et tu l'aurais fait, toi, ta prise de sang? Hein? Moi, je donne mon sang. Hein, bravo, félicitations. Ah, Alison, est-ce que tu fais des bisous avec ou sans la langue, toi? Ben, moi, ça dépend de la situation. Bon, aussi de la personne, évidemment, comme elle a dit, là, si c'est passé en première. Mais pour avoir eu les deux expériences, j'avoue que des fois, la langue, c'est pas plus mal. Dans un moment torride, c'est bien d'avoir le bisou qui va avec. Quand mais même. Carrément, je suis d'accord avec toi, sans déconner. Je trouve que le bisou, le simple, moi, j'appelle ça un piou. Hein, tu sais, le petit bisou, le petit piou-piou, et ben putain, c'est chiant quoi, je sais pas. C'est comme ça qu'on dit nous en Bretagne. Ah oui, ok. On fait des piou. D'accord. Mais s'il y a d'autres Bretons qui disent piou, je serais quand même curieuse qu'ils nous appellent. Ah. Parce que... Les Sarcons disent piou, Alice. Hein. Ok, d'accord. Écoute, dans ma bourgade, c'est comme okay, ça qu'on dit. D'accord. Et Alison, donc toi, un petit peu de langue. Max, on met de la langue ou pas, Max? 23 ans de Poitiers. Non, on la met pas. On la met pas, mais pourquoi? C'est chiant, c'est nul. Ben, je trouve que ça fait comme dans les vieux films américains où qui se galochent et qui bavent de partout, en fait, les vieux films d'amour. D'accord, ok. Donc toi, jamais de langue, en fait. Bah, très peu, on va dire. Ça va rester sur j'aime bien mordiller les lèvres ou mettre vite fait la langue, mais pas très longtemps, quoi. Je trouve un peu ça désagréable. On est bien d'accord. On en profite quand même pour donner un petit conseil, Alice. Il y en a beaucoup qui font ce qu'on appelle la machine à laver. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. Que tu tournes, l'autre il tourne, c'est chacun ça. Dans le même sens, et franchement, ça sert à rien. Ça, mais c'est la technique qu'on avait un peu au collège, quoi, à l'époque. On se dit, ouais, c'est comme ça qu'il faut embrasser. Moi, je pense qu'il faut pas tourner sa langue, ça se fait vraiment au feeling, et c'est de temps en temps, voilà, quoi. Il y a un petit contact de langue, mais t'es pas obligé de tourner autour de la langue de l'autre. Ah, bien sûr. Ah, oui. Ah, bien sûr, notre auditeur du soir, Rémi. Ouais. Rémi qui nous a dit qu'il était toujours puceau tout à l'heure. mais t'es déjà sorti avec une fille, Rémi? Oui. Hein, je le sais, t'es un donjon, toi. Comment tu embrasses les filles, Rémi? Moi, perso, ouais, je préfère avec la langue aussi. Hein. Avec la langue. Et une majorité de. Oui, vas-y, Rémi. Bah, je trouve ça rajoute du piment que pour les pioux, comme tu dis. Ouais, absolument. Mais en fait, Alice. Oui.

Radio. Le son dance floor. Quand on regarde, me caresser les lèvres, ça m'énerve quand le temps venait nous imposer ses règles. Souvent c'était mon excès qui jouait avec tes nerfs. Ma jalousie provenait du fait que ta silhouette hantait mes rêves. J'appréciais ton naturel, ta démarche inaccoutumée. Les gens nous voyaient comme des fous alliés. Ton corps un dessin parfait, tes poignets remplis de bracelets. Parfois je sens l'odeur de ton parfum pour ne pas l'oublier. Qu'on avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver. On ne voyait plus nos amis car on surveillait nos arrières. Se moquer des clichés pour casser les barrières. On ne faisait que provoquer quand on parlait de se marier. Je sais que si demain ton chemin recroise le mien, tu aurais envie de me dire que tes sentiments sont les mêmes. Tes pensées étaient miennes car tu as fait de moi un homme. Maintenant quand j'observe la lune, je vois la beauté de ton âme. Every time I see that smile, my life is yours. Next time we kiss the sky we know. If love is not the lie you're looking for, I will let you fly. Qui avait tort devait tenter de se faire pardonner. Le lit en guise de bateau, puis on naviguait à travers nos souvenirs, comme si on avait l'air de ne pas vouloir penser volontairement à nos projets. Je ne mettais jamais le projet sur les choses que tu me reprochais. Je voulais être proche de nos fous rires, au bon moment je me raccrochais. Tu m'appelais pour me dire que tu raccrochais. Every time I see that smile, my life is yours. Next time we kiss the sky, the sky. Du dimanche au jeudi, 20h-22h tous les soirs, c'est Love in Fun sur Fun Radio. On va parler de la journée mondiale de don de sang. C'est clairement quelque chose qui nous tient à cœur ici dans Love in Fun. C'est important encore d'en parler aujourd'hui, Doc. Bien sûr, oui. C'est important de donner son sang. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Alors, il y a plusieurs utilisations. Il y a les transfusions en cas d'urgence, par exemple. Vous avez un accident de la route, vous saignez beaucoup. Ou lors d'un accouchement, lorsqu'une femme fait une hémorragie de la délivrance, on va devoir lui apporter du sang, un culot, c'est-à-dire des globules rouges directement en grande quantité. Mais il y a aussi, c'est la production la plus importante, c'est le besoin, l'utilisation la plus importante, des besoins chroniques comme les maladies du sang et les cancers. Mais il faut savoir aussi qu'il y a énormément de produits qui sont issus du sang, qui guérissent, comme par exemple les immunoglobulines, qui sont en quelque sorte des anticorps, ou les facteurs de coagulation, comme par exemple dans l'hémophilie. Aujourd'hui, il y a plus de 200 maladies qui sont ainsi traitées. Donc, c'est très important, parce que je pense que quand on donne son sang, eh bien, on est bien... il faut le dire à ceux qui écoutent. Voilà ce à quoi ça sert. Sachez que vraiment... vous sauvez des vies d'une certaine façon. Exactement, en cas d'hémorragie sévère, de la délivrance ou d'accident de la route, s'il n'y a pas du sang, c'est l'issue peut-être vraiment fatale, même si le remplissage se fait maintenant avec du sérum physiologique au début, mais après il faut du sang. Il en faut beaucoup, hein, à peu près 10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Et je voulais te dire, parce que ça c'est pas évoqué, il y a une fabrique de sang synthétique, c'est possible, à partir de cellules souches, mais qui ne remplaceront jamais les dons de sang. Ça restera toujours une utilisation avec les sécurités que vous avez entendu, Karel, t'as un petit bobo, tu peux pas. On fait des tas de sérologies, je dis pour tous ceux qui écoutent, c'est-à-dire que sur chaque don de sang, vérifier qu'il n'y a pas d'hépatite, qu'il n'y a pas de sida, qu'il n'y a pas d'autres maladies, CMV et autres. Tout ça, c'est étudié pour éliminer les échantillons qui seraient éventuellement contaminés. Donc la sécurité est excellente avec les traitements aussi de ces produits sanguins. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a quand même plus de 20 ans, vous avez forcément entendu parler du scandale du sida, mais il y avait aussi l'hépatite C qui contaminait beaucoup de gens et l'hépatite B avant. Voilà. Alors aujourd'hui, on est allé vers, on s'était enfilé en quart devant la radio à 14h pour aller justement donner notre sang. Et on a fait la connaissance d'Astrid qui est avec nous. Elle a 23 ans, elle est à Paris. Salut Astrid. Salut. Salut à tous les trois. Salut. Alors, Astrid, on s'est vu tout à l'heure. Oui. Voilà, tu as fait partie de ceux qui ont donné leur sang et qui ont pu le donner, puisque ça se passe en trois étapes, on va dire. D'abord, on remplit un formulaire, c'est ça, Astrid ? Ouais, c'est ça. D'abord, on remplit un formulaire dans lequel donc ils nous posent plusieurs questions sur les pays dans lesquels on est allé, si c'était et quel pays, sur nos pratiques sexuelles, sur notre santé en général, si on a déjà eu des opérations, si on a déjà donné notre sang. Ensuite, donc deuxième étape, on rencontre un médecin. Ouais. Donc on est dans des petites salles individuelles, derrière un rideau. Donc il lit la feuille, ce qu'on a complété, et puis on continue à discuter de ça, pour avoir plus davantage de détails. Ensuite, si on veut, là, on peut avoir un massage de main en attendant. Ouais, et absolument. Puis, il y avait des tours de magie aussi. J'ai pas vu, mais le massage de main, par contre, j'ai bien aimé. Ouais, carrément. Fait hypnotique quelque part. Ça permet de détourner l'attention et surtout de limiter le stress. Non, mais on prend vachement soin de nous. Ouais, clairement. Et la petite collation. Mais la prise de sang, comment ça s'est passé, Astrid ? Après la collation. Après, bien sûr, après. Avant, déjà ils nous préviennent bien, donc histoire qu'il faut énormément s'hydrater quand on donne son sang, pour récupérer très vite. Donc ils nous demandent de bien nous hydrater déjà avant, et après quand on donne ce sang, ils nous demandent de boire un litre d'eau avant de le faire. Ça, c'est important. Et donc voilà, puis ensuite le moment où on va donner notre sang. Ouais. Donc là on est plusieurs dans une salle et ça se passe très bien, et ça se passe très très bien finalement. Un petit peu d'appréhension au début, et puis ça passe très vite, ça dure entre 5 et 10 minutes maximum. Ouais, c'est ça, 10 minutes, le temps de remplir une poche. Et c'est vrai que dans l'équipe Alice et Guillaume, on pu le faire. Bravo à tous les deux. Oui, hein, bravo aussi. C'est normal. Ouais, voilà, c'est bien de donner son sang et tout. C'est pas grand-chose, mais c'est un geste citoyen utile qui sauve des vies, c'est plutôt cool. Comment s'est passé pour toi, Alice ? Écoute, ça s'est très bien passé, j'étais pas spécialement stressée. J'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui avaient peur, en fait, de passer le cap, parce qu'ils me demandaient, est-ce que ça fait mal ? Alors non, ça fait pas mal, mais c'est vrai que la première fois que tu donnes ton sang, c'est toujours un peu impressionnant. Ouais, mais finalement, je veux dire, ça se passe très bien. C'est progressif, c'est pas... Il n'y a pas ça non plus en 30 secondes. Non, mais ça se passe très bien. Et puis finalement, on se sent super bien dans l'endroit où on est. Tout le monde s'occupe très bien de nous. Oh. On nous demande comment ça va. On nous rapporte des choses à manger. Enfin, je veux dire, ça se passe super bien. C'est une très bonne c'est ambiance. Hyper convivial. Avec une sécurité maximum, je le dis pour ceux qui reçoivent, 600 000 à peu près, c'est le nombre de patients qui reçoivent des transfusions chaque année. C'est énorme. Il y a besoin de 10 000 dons par jour. Ça, c'est une réalité. Parce que les produits sanguins sont labiles. Il y a des produits dont la durée de vie est très courte, comme les plaquettes. Vous savez, c'est ce qui permet le premier temps de coagulation qu'on doit donner à quelques patients. Mais les globules rouges, c'est 42 jours et le plasma, 365 jours. C'est-à-dire le sang sans les globules rouges. Alors pour info, pour tous ceux qui voudraient donner, là c'est en ce moment, aujourd'hui c'était la journée mondiale de don de sang, et ça va se passer du 10 au 17 juin, donc jusqu'au 17 juin, avec 300 lieux de collecte, aux couleurs de l'événement qui sont organisés. Donc vous pouvez donner en vous renseignant en allant directement sur le site pour trouver toutes les infos justement. N'hésitez pas, effectivement, comme tu l'as dit Doc, ça peut sauver des vies. Merci beaucoup Astrid pour ton témoignage et bravo. Avec plaisir, aucun problème. Allez-y, vraiment, je le recommande à tout le monde. Profitez de juillet. On se sent bien après. Profitez de juillet et août parce que vous êtes un petit peu plus mou en juillet et août. Alors. Il y a tout autant besoin. Ouais, donc les vacances, c'est bien, c'est une raison de le donner pour les vacances. L'été, c'est pas mal. Sinon, Astrid, rien à voir, mais j'ai une petite question à te poser. Dis-moi, Est-ce que t'es célibataire ? Non, je ne suis pas célibataire, pourquoi ? Parce que tu vois qui c'est, Guillaume, qui a donné son sang ou pas ? Oui, il me semble que je vois très bien. Oui. C'était le beau gosse, là, avec ses tatouages et ses grands bras. Mais vous êtes tous beaux gosses, comment savoir ? Astrid. Non, le vrai beau gosse, avec la queue de cheval. Astrid, quand on est rentré de la radio, il a été maté de ton Facebook, il a dit « Elle, c'est quand même un bon dos ». Voilà. C'est classe. C'est classe, les gars. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Non, mais c'est vrai que tu es très belle. Merci, bon, on peut appeler beaucoup. La copine de Guillaume. On te... Ah, mais comment ça, il a une copine? Ah, oui, c'est vrai. Ah bon? Ah, ah bah... on a tendance à l'oublier. Hein, ah, mais hey, on a toujours dit qu'entre 20h et 22h, on était célibataire. Et ça, c'est ça qui compte. Astrid, je te repasse Guillaume au standard, d'accord? Ah bah chouette, merci les gars. Salut. Gros bisous Astrid. Salut, bonne soirée, merci. Mais Mehdi est avec nous rejoint sur Fun Radio, il a 17 ans, il est de Melun. Salut Mehdi. Salut. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut à toi Mehdi. Il paraît que t'as besoin d'une technique toi? Oui. Pour me détendre avant le bac. D'accord, passes le bac demain. C'est important. Oui. Ouais, bac de philo demain, bac de français aussi pour les premières. On va vous parler technique, là, des petites méthodes pour être au top dès demain matin. En attendant, vous découvrez le nouveau Martin Garrix, c'est Vert for You sur Fun Radio, Love in Fun. I woke up pissed off today. And lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. You're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I promise, but let me be honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. For me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. Martin Garrix sur Fun Radio, Vert for You. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et Mehdi qui nous rejoint sur Fun Radio, libre antenne au 01 42 48 5000. Bienvenue dans Love in Fun, Mehdi. Merci, salut Karel, salut le Doc et salut Alice. T'as 17 ans, t'es à Melun, tu passes le bac demain. Philo, c'est ça demain pour toi, Mehdi? Ouais, philo. Ok, tu voulais savoir quoi alors? Bah, comment me mettre bien avant le bac, comment me détendre. D'accord. Parce que ça va pas trop, quoi. Ah ouais. Alors, j'ai déjà donné un conseil qui vaut pour tout le monde, bien vous hydrater. D'accord. Il faut vraiment, si possible, pas des boissons gazeuses dont la publicité abonde, mais simplement de la flotte. Beaucoup d'eau, 1,5 litre si vous pouvez, il faut déjà boire ce soir pour arriver demain, vous allez pisser un peu la nuit, mais c'est pas grave. Mais non, on s'en fout, c'est pas grave. Ça. Et tu peux tenir une heure, et 1h30. Donc il faut bien boire et y aller avec de l'eau. Ça, c'est très très très important. Deuxièmement, ce que je te conseille, c'est 15 minutes avant, déjà ce soir, tu vas faire des étirements un petit peu voilà, violents, hein, des étirements comme une sorte de gymnastique. Ouais. Tu fais ça pendant un quart d'heure, ok ? Avec de la musique si tu peux, pour vraiment bien bouger ton corps, défouler ton corps et chasser le stress. Une petite branlette aussi, Doc, on peut ? J'ai pas dit ça. Non, mais... L'exercice physique est essentiel, vraiment important pour évacuer ce stress. C'est comme ça, vous êtes des mammifères et en général dans la nature, les situations de stress, un animal, c'est lorsqu'il est attaqué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se défendre ou en tout cas fuir. Et quand il fuit, il y a une activité physique extrêmement brutale, violente et rapide. Donc, du coup, toute l'adrénaline qu'il génère va être éliminée dans l'effort. Eh bien, vous devez reproduire ça d'une certaine façon, non pas fuir en courant autour du pâté de maison. Soyons des sangliers. Voilà. Okay, mais faites vraiment un quart d'heure d'étirement, de mouvement, de tout ce que vous voulez, sans obligatoirement vous abîmez le corps, faut pas non plus exagérer. S'étirer, ça c'est important. Et boire, c'est important. Et puis demain matin, effectivement, bien boire et faire à nouveau quelques exercices physiques. C'est très important. Voilà. Et voilà. Et oublier qu'on peut le rater. Deuxièmement, quand vous êtes devant l'épreuve, le trou, vite fait. Fais vite, Doc. Oui, très vite, en un mot. Posez le stylo 5 minutes. Et ne vous précipitez pas. Écrivez les idées qui vous viennent, même si elles sont de droite et de gauche. Ne cherchez pas à rédiger tout de suite. Posez les idées et après vous faites le tri. Posez les idées et vous partez. Hein, comme ça, vous êtes sûr de le rater. Voilà.